machismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes beuteux, pour mes chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Pédale Scandale. Nous sommes le lundi 12 février, il est un peu plus de 20h30 et nous sommes en direct sur Radio Dio 89.5 à Saint-Étienne et en streaming sur radiodio.org partout ailleurs. En ce début d'année, le moral il est pas au top chez les Pédales Scandale comme ailleurs. Les amis qui craquent se multiplient, certaines d'entre nous ont besoin de repos, alors on vous embrasse tous et toutes là où vous êtes et surtout on vous envoie plein de force et d'amour. Il faut dire que le contexte politique et social est plus que désespérant et anxiogène ces derniers temps. Des nouvelles annonces et discours du gouvernement toujours plus racistes et sexistes, un génocide qui continue en Palestine, le nouveau président argentin bien dangereux et j'en passe. Plus rien ne nous étonne, on peut même parfois se laisser surprendre à des sentiments de fatalité. Et puis on se reprend, les amis et camarades nous donnent de la force et le collectif et la solidarité, l'envie de lutter. À Pédale Scandale, on considère que lutter, c'est toujours plus que nécessaire. Si on en a la force et la possibilité, on pense notamment qu'il est important de s'emparer de la lutte antifasciste. Alors oui, on assiste à une nouvelle montée du fascisme. Il se développe partout, dans la rue, dans les institutions, dans les médias. Et même à Santé, jusque-là, relativement épargné, les tags racistes, islamophobes et antisémites se multiplient ces dernières semaines. Le danger est réel, mais si l'extrême droite progresse, eh bien il est possible de l'arrêter avant qu'elle ne prenne davantage de place dans les institutions et au pouvoir. Et c'est par la lutte qu'on pourra l'empêcher de progresser. C'est pourquoi ce soir, on a eu envie de vous proposer une émission qui parle de lutte antifasciste, et de pourquoi et comment, en tant que PD, on doit s'en emparer. Quand on a préparé cette émission, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tous et toutes à l'aise avec le sujet, que la lutte antifasciste ne nous évoquait pas toutes les mêmes choses, les mêmes expériences, etc. Alors on s'est dit que ça valait peut-être le coup de commencer par un petit tour de studio pour évoquer notre rapport perso à la lutte antifasciste et à ce que ça nous a évoqué. Qui veut commencer ? Du coup, moi, je peux commencer le tour. Moi, la lutte antifasciste, je pense que ça, c'est très articulé du coup à mon engagement syndical. Du coup, je suis syndicaliste depuis maintenant 6 ans, d'abord dans du syndicalisme étudiant et maintenant dans du syndicalisme pro. Et c'est à travers un engagement syndical à Solidaire, du coup, qui est un syndicat qui porte des valeurs antifascistes, que je me suis investi sur ces questions-là, et notamment plus spécifiquement sur les questions de l'extrême droite sur le lieu de travail, et comment on fait pour lutter contre l'extrême droite avec nos collègues, quand on en parle, et dans les luttes autour du monde du travail. Et du coup, ça, c'était une des parties. Et l'autre partie, c'est aussi, en tant que personne trans et pédale, la lutte antifasciste... Moi, elle m'a pas mal parlé dans la santé communautaire, notamment la santé communautaire trans et TDS, avec aussi pas mal de camarades qui sont migrantes. Et du coup, les cendres de la manif pour tous sont encore très très chaudes et ardentes et on continue de s'y brûler. Et du coup, la lutte antifasciste, pour moi, elle est aussi articulée à ces enjeux de genre, de sexualité et de migration. Avant d'habiter à Saint-Étienne, j'habitais en Bretagne et notamment j'ai habité beaucoup à Brest dans ma vie. Et Brest, c'est une ville où il y a une forte lutte antifasciste. Et puis elle existe aussi parce que en fait, en vrai, en Bretagne, quand même, les FAF, ils sont présents. Ils sont présents notamment dans, enfin. J'ai l'impression qu'on entend moins parler avant, mais qu'avant, mais en tout cas, moi, quand j'y étais, ils étaient notamment fort présents dans les milieux indépendantistes. Et du coup, il y avait des groupes très organisés de FAF qui assez régulièrement attaquaient des gens et des manifs et tout ça. Et du coup, dans ma construction de militant, la lutte antifasciste, elle a toujours été assez importante, voilà. Mais on reviendra plus tard, c'était quand même des groupes antifascistes mixtes et pas toujours simples en tant que transpédéguine ou même en tant que meuf de faire partie de ces groupes. Moi j'ai l'impression que je me suis jamais revendiquée dans un groupe à proprement dit antifasciste, mais qu'en tout cas c'est des valeurs qui circulent dans les groupes militants où je suis, qui sont plus des groupes affinitaires. Et du coup, qu'on définit plus comme toto autonome anarchiste, ou du coup, je sais pas, on promeut des bails de solidarité, soit communautaire trans, soit avec des personnes sans PAP, ou des trucs comme ça. Mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup gravité autour des actions un peu clichés antifascistes, comme la veille antifasciste ou ce genre de choses. Ok, voilà, du coup, on voulait un peu dire c'était quoi notre place et notre rapport à la lutte antifasciste. On enchaîne. Et du coup, là, on voulait faire un peu une partie alerta antifascista, où en fait, comme dit plus tôt, en fait, on a la sensation de montée de fascisme, tant au niveau institutionnel que dans l'ambiance de la société civile. Et du coup, on avait un peu envie de rappeler notamment les nombreuses lois et décisions politiques qui ont été votées récemment et qui sont clairement d'extrême droite. Parce que pour nous, c'est important aussi, avant de lutter, de se renseigner, de savoir un peu... à quel point l'extrême droite grignote du terrain petit à petit. Et du coup, on voulait rappeler notamment la loi immigration du 19 décembre, avec ce texte qui reprend du coup un certain nombre de propositions tirées du programme du parti d'extrême droite, notamment la restriction de l'accès aux prestations sociales aux étrangers en situation régulière, la fin de l'acquisition de la nationalité de plein droit pour les enfants étrangers nés sur le sol français, l'exclusion des sans-papiers de l'hébergement d'urgence ou encore la volonté de réformer l'aide médicale d'État début 2024. Après, on voulait aussi parler de la loi de fichage des personnes changeant de prénom qui vise d'abord les personnes immigrées mais qui va aussi impacter les personnes trans. Et du coup, cette loi, en fait, elle concerne deux situations principales. Du coup, le changement de nom et ou de prénom que des personnes décident de franciser, notamment après une obtention de papier, et aussi le changement des prénoms lors d'une transition de genre. Du coup, ça permettra un fichage de ces personnes-là. Et en fait, si le fichier il apparaît comme un instrument de simplification administrative, en fait, il constitue un fichier recensant de fait les personnes immigrées qui changent de prénom et les personnes trans. Et du coup, d'un point de vue juridique, en fait, on peut estimer que ce fichier va contenir des données dites sensibles, car elle pourrait révéler de la prétendue origine raciale ou de l'origine ethnique, ainsi que des données concernant la santé des personnes. Il y a aussi, du coup, récemment, le 7 septembre, L'interdiction du port de l'abaya au lycée et au collège. Du coup, encore une décision islamophobe de l'État qui a été votée, avec du coup, par exemple, la présence de policiers devant les établissements scolaires. Il y a récemment Macron qui parle de réarmement démographique de la France, comme pour dire que les utérus des femmes sont des armes de guerre au service de l'État. Ou alors Aurore Berger, qui est ministre de l'égalité homme-femme, qui a décidé de couper les subventions des assos féministes, qui n'auraient pas eu un discours clair concernant les attaques du Hamas du 7 octobre, et du coup qui impose clairement un discours pro-israélien aux assos féministes. Après, à l'échelle mondiale, ouais, c'est un peu anxiogène toute cette liste, mais quand même, c'est important de le rappeler. À l'échelle mondiale, il y a du coup tous les partis d'extrême droite qui accèdent au pouvoir, notamment en Italie, du coup en Argentine, ou alors aux Pays-Bas récemment. Et aussi, en fait, quand on parle de montée du fascisme, aussi on le voit à travers des attaques qui augmentent. Et du coup, par exemple, en Bretagne, au cours des 15 derniers mois, il y a 54 agressions qui ont été par l'ultra-droite qui ont été recensées. Il y a notamment à Saint-Brieuc un festival. Il y a notamment un festival antifasciste qui a été attaqué cet été. Puis après, le local autogéré antifasciste. À Lyon, il y a eu le 2 février des attaques contre des personnes racisées par des militants d'extrême droite. Il y a eu une augmentation des agressions homophobes de 28% entre 2021 et 2022 en France. Enfin bref, voilà, tout ça, c'est pas pour faire que monter un climat anxiogène, mais parce qu'on a un peu envie de se réveiller, de se dire que c'est vraiment nécessaire et important de s'organiser maintenant. Et voilà. On va écouter un petit morceau de musique et on revient tout de suite après en direct. Take my toujours en direct dans Pédale Scandale 89.5 à Saint-Étienne sur Radio Duo. Du coup, maintenant, on avait envie de vous parler un peu de pourquoi, pour nous, en tant que PD, personnes trans et queer, c'est important de s'emparer de la lutte antifasciste. Déjà parce que les personnes sans papiers, migrantes, racisées, perçues comme musulmanes et tout ça, les personnes trans, PD et les queer, on est une des cibles de ces mouvements fascistes. Et c'est pas nouveau, les FAF, ils se sont toujours attaqués aux membres de nos communautés, notamment aux PD, aux folles, aux traves et aux meufs trans, enfin aux personnes qui sont déviantes de la masculinité. Et on peut citer plein d'exemples. Par exemple, l'attaque d'un bar gay à Soho, un quartier de Londres, en 1999, par un militant néo-nazi. Une attaque à Orlando en 2016 d'une boîte LGBT. Mais aussi, plus proche de nous, l'année dernière, il y a eu en Bretagne l'attaque de lecture drag queen par des membres du groupe, d'un groupe fasciste qui s'appelle L'Oriflamme. C'était dans une campagne à côté de Rennes. L'attaque du centre LGBT de Tours au cocktail Molotov en juin 2023. Des attaques ciblées de groupes de PD à l'époque de la Manif pour tous, il y en a eu plein. Il y a eu aussi de nombreuses attaques du centre LGBT à Angers. Et c'est pas un hasard, en fait, parce que Angers, c'est une ville où il y a longtemps eu un local fasciste qui était ouvert plusieurs années, qui est fermé aujourd'hui, qui s'appelait l'Alvarium, je crois. Du coup, aussi, on peut assez facilement faire le lien entre les villes en France où il y a des attaques homophobes par des groupes de FAF. C'est souvent des villes où les groupes de FAF, ils sont bien installés et bien organisés, quoi. On voulait rappeler aussi que ces groupes fascistes organisés, là, ils ont des liens forts avec le Rassemblement National et le parti d'Éric Zemmour, mais aussi avec les mouvements pro-vie et catho-intégristes, comme par exemple la Manif pour tous, qui est devenue aujourd'hui le syndicat de la famille, ou des groupes comme Alliance Vita et autres. Et notamment, les liens, ils sont des fois cachés, mais pas tant. En tout cas, c'est souvent ces groupes de FAF organisés qui font les services d'ordre de tous ces groupes et aussi des partis politiques d'extrême droite. Alors, en tout cas, pour moi, et je pense que pour les personnes un peu plus âgées, en tout cas, qu'ont vécu toute cette période de mariage pour tous, 2012, tout ça, je pense que ça nous a quand même bien marqué et que c'est pas si loin. Parce que les discours réactionnaires de cette époque, avec une homophobie décomplexée dans les médias, dans la rue, tout ça, moi je trouve qu'en ce moment, à certains endroits, on a l'impression d'un retour en force. Je pense notamment à des groupes comme Alliance Vita ou le syndicat de la famille. Alors ils sont plus sur ces questions de mariage, de PMA et tout ça, bon, il y a toujours, ils sont quand même toujours sur la question de la GPA, mais aujourd'hui un peu leur cheval de bataille, on va dire, c'est la question de défense de la famille et surtout des enfants, notamment protéger les enfants contre le transactivisme, combattre le wokisme et compagnie. Et du coup, je trouve que ces derniers mois, en tout cas, j'ai le sentiment d'un retour un peu en force de ces groupes-là dans les médias et aussi on voit des conférences apparaître dans certaines villes. Notamment, il y a eu à Marseille, là, le 1er février, il y a eu une conférence du Dovine de la Rochère, du coup, qui est là. Alors, je ne sais pas si c'est présidente, ou en tout cas un peu la chef quand même, du syndicat de la famille, et qui a fait une conférence à Marseille qui s'appelait « Le wokisme, danger pour la famille ». Du coup, en tout cas, ça nous donne envie de rester vigilants et vigilantes à ne pas laisser la place à ces groupes, quoi, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'installent. Et aussi, ces derniers jours, il y a eu une polémique, j'ai vu ça aujourd'hui, autour d'un stage de drag queen, drag king et drag queen pour des ados à Bordeaux. À chaque fois, c'est de faire des grosses polémiques sur les réseaux sociaux. Parce que ces personnes sont aussi super présentes, on le verra plus tard, mais quand même super présentes sur les réseaux sociaux, quoi, notamment sur Twitter. aussi, ce qu'on voulait dire, c'est que on a beau nous bassiner quand même avec le progressisme en nous disant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème à être gay ou trans dans la société dans laquelle on vit. Que c'est possible d'être gay au gouvernement, par exemple, ou même d'être gay et membre du Rassemblement National. Déjà, nous, on s'en fout, parce qu'on considère que ce n'est pas un progrès d'avoir des gays racistes au gouvernement. Et aussi, ça nous questionne sur, encore aujourd'hui, quel type d'homosexualité ou de transidentité est acceptable. Parce qu'en fait, il faut avoir les bons papiers, être riche, de la bonne couleur de peau, être bien intégré et surtout bien fermer sa gueule et être bien de droite pour être accepté en tant que gay, queer, trans, encore aujourd'hui, on pense. Et aussi, tout ça pour dire aussi que, en fait, les mouvements d'extrême droite, en vrai, nous, les personnes qui sortent des normes et qui sont pas envie, en tout cas, de s'intégrer dans cette société, ils ne nous épargneront pas, quoi. Du coup, c'est aussi à nous de nous défendre. Pour finir un peu là-dessus, pour nous, quand même, la principale raison de s'emparer de la lutte antifasciste, c'est qu'on n'est pas que des PD, que notre communauté, elle est aussi constituée de personnes racisées, migrantes, venant de pays du Sud, sans papier, qui, elles, sont les cibles premières de ces mouvements d'extrême droite, et avec qui on doit se battre à leur côté pour combattre le racisme et le fascisme de la société dans son ensemble. On en a un peu marre, en vrai. Et on se reconnaît pas vraiment pas du tout même dans le mouvement queer dépolitisé, qui ne lutte que sur des questions d'identité et qui se bouge pas notamment sur les questions de capitalisme et de racisme et sur les questions de classe. On considère que la lutte autour d'une identité, elle est très individuelle et que on se retrouve plus dans des luttes qui touchent aux questions matérielles et qui aussi sont intersectionnelles. Alors qu'en fait, aujourd'hui, ces luttes queer dépolitisées, en fait, elles se sont dépolitisées petit à petit, mais qu'en tout cas, historiquement, les luttes queer, elles sont politiques et révolutionnaires. Et pour illustrer ça, moi, j'avais envie de vous lire un petit extrait du livre Queer Ultraviolence. L'histoire des queers organisés a été portée par cette position. Les personnes les plus marginalisées, les personnes trans, les personnes racisées, les travailleurs travailleuses du sexe ont toujours été les catalyseurs des émeutes explosives de la résistance queer. Ces explosions étaient associées à une analyse radicale, affirmant sans concession que la libération des personnes queer est intrinsèquement liée à l'anéantissement du capitalisme et de l'État. Il n'est donc pas étonnant que les premières personnes à se prononcer publiquement sur la libération sexuelle dans ce pays étaient anarchistes, ou que celles qui ont lutté au siècle dernier pour la libération queer ont lutté simultanément contre le capitalisme, le racisme, le patriarcat et l'empire. C'est notre histoire. Si l'histoire prouve quelque chose, c'est que le capitalisme a la fâcheuse tendance à récupérer et à pacifier les mouvements sociaux radicaux. Cela fonctionne en fait assez simplement. Un groupe gagne des privilèges et du pouvoir au sein d'un mouvement et peu de temps après trahit ses camarades. Quelques années après Stonewall, les hommes blancs, gays, bourgeois avaient complètement marginalisé toutes celles qui avaient rendu leur mouvement possible et abandonné leur révolution avec elles. Elle est bien loin l'époque où être queer signifiait le conflit direct avec les forces de contrôle et de domination. À présent, tout n'est que stagnation et stérilité absolue. Comme toujours, le capital a récupéré les queens des rues jeteuses de pierres pour les changer en politiciennes et activistes proprettes. Voilà, moi j'avais envie de rappeler ce petit extrait que je trouve bien d'actualité et que je pense que c'est important de le relire régulièrement. Voilà, du coup pour finir, on voulait redire que nous, en tant que transpédéguines, on considère qu'on doit se battre contre toutes les formes de domination, qu'on vive ces oppressions ou pas, et qu'on doit se positionner en tant qu'allié actif des luttes antiracistes, des luttes contre la police, la prison, les frontières notamment. Voilà, je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter. Et aussi qu'on se sentira toujours de toute façon plus proche d'une personne cis-hétéro, camarade de lutte avec qui on se bat contre les frontières ou contre la prison que des gays ou des lesbiennes riches de droite. Que nos alliances, elles se font pas sur des identités, mais sur des idées politiques et révolutionnaires. Et oui, justement, peut-être pour ajouter rapidement, justement, il y a quelques semaines, donc à côté de Rennes, en Bretagne, il y a eu SOS Éducation, qui est une association qui milite contre l'éducation à la vie sexuelle romantique et affective, et qui s'est du coup tenue. C'est une association qui est proche de Parents Vigilants, qui est une autre association qui se bat sur les mêmes enjeux, pas mal dirigée par Reconquête et du coup Éric Zemmour, et qui était invitée au Sénat le 4 novembre par ailleurs, avec Marion Maréchal Le Pen également. Et du coup, cette conférence a été organisée et il y a eu en face une riposte antifasciste justement large et mixte avec la CGT, la FSU Solidaire et le planning familial du département, et qui ont pu aller à la conférence pour poser plein de questions, empêcher que la conférence tienne et faire de l'information auprès des gens qui y allaient, ne sachant pas forcément ce qu'était SOS Éducation. Et du coup, ça montre bien comment, en effet, on doit aussi faire des alliances avec les différentes forces qui s'organisent contre l'extrême droite, donc que ce soit le monde du travail ou une association féministe et d'autosupport, pour ensuite pouvoir lutter contre l'extrême droite à chaque fois qu'elle tente de s'organiser. On va écouter un petit morceau de musique. On écoute le morceau Homophobia de D2 Cabal. Ce game est rempli d'homophobes, du moins ça en a tout l'air. De l'extérieur, on dirait que tout le monde a peur des gays. Souvent chez certaines personnes, la peur se met en violence. Dites-moi qui donne le la. Qui a peur de l'invasion? Vous êtes des paranoïaques, élargissez votre vision. Il n'y a pas de grand remplacement, non, il n'y a pas de grand remplacement. Ni par les racisés, ni par les LGBT, ni les LGBT, ni par les racisés. Et j'entends un peu partout qu'ils devraient tous rester cachés, qu'ils semblent trop dans le temps où ces gens-là étaient discrets. J'entends des gens qui radotent, qui voient ça comme une maladie sans antidote. Et ça parle d'épidémie et ça dit tout un tas de conneries. Ça parle de contamination, de déclin de civilisation. Tous en manif, union homophobique. Et ça use et abuse des outils de la propagande du siècle dernier. Je dis qu'être des quartiers populaires, je dis qu'être racisé, basané et aboyé façon droite extrême, c'est finalement tout plié. Les cibles sont interchangeables, quelles que soient les minorités. Elles restent une cible de choix pour les haineux décérébrés ou bien traumatisés. Rappelle-toi ton enfance, quand ce monsieur t'a touché. Tu n'en as parlé à personne, dans le silence tu t'es terré. Enfance abîmée et meurtrie, personne t'a jamais rien dit. Et la honte fait place à la colère, la violence est toute proche, tu fais ta guerre. T'as cru que ton bourreau était homosexuel, mais ce n'est pas vrai. Pédocriminel, c'est pas pareil. Pédocriminel, c'est ce qu'il était. Comportement criminel, ne pas confondre avec orientation sexuelle. Dire que pédocriminalité est une forme d'homosexualité, c'est dire que le viol de petites filles par des hommes est une forme d'hétérosexualité. Celui qui viole est un violeur, celui qui viole est une violeuse. Qu'importe l'orientation, pour les victimes, la note est onéreuse. Onéreuse. Onéreuse. Moi, je vais prendre le relais en lisant un petit texte qui a été préparé par une des copines de l'émission qui ne peut pas être là ce soir et que donc, je lis à sa place. Il y a aussi d'autres raisons de se positionner et de se sentir concerné par l'antifascisme en tant que pédale. Deux exemples, l'homonationalisme et les TERF. L'homonationalisme, c'est la récupération des identités et luttes homosexuelles et trans pour justifier de politiques capitalistes, impérialistes et racistes. C'est nier ou minimiser l'homophobie et la transphobie des cultures occidentales en montrant du doigt celle des personnes de culture non blanche. C'est considérer et propager l'idée que les personnes racisées seraient LGBT-phobes par essence, par barbarie, pour reprendre les termes de Louisa Yousfi, et non par construction sociale comme tout le reste de la population. C'est à la fois un outil fort du contrôle raciste de la population et un moyen très répandu dans les partis politiques et milieux de droite pour pinkwasher leur discours. On peut citer deux récents exemples d'homonationalisme, Premièrement, le Premier ministre français, Gabriel Attal, qui utilise le fait d'être ouvertement gay pour inventer un supposé progressisme de l'État français, tout en menant dans les faits une politique réactionnaire, raciste et homophobe. Un autre exemple récent, c'est la tentative d'instrumentalisation de la vie des personnes queer palestiniennes par le gouvernement israélien, qui invoquait au mois de décembre les violences LGBT-phobes vécues par les personnes queer vivant à Gaza pour justifier les frappes militaires visant justement Gaza et afin de contrer les mouvements de solidarité internationale avec les queer gazaouis. En tant que PEDEL, ça semble indispensable d'avoir conscience de ces dynamiques-là pour les contrecarrer. Merci camarades pour ces petits passages sur le mot nationalisme. Et je vais continuer un peu sur les TERF et les mouvements anti-trans et peut-être d'avoir un rapide historique de c'est quoi ces mouvements anti-trans qui, à la base, viennent des mouvements féministes et aujourd'hui sont repris par l'extrême droite. Du coup, le terme TERF pour Trans Exclusionary Radical Feminist, donc pour les féministes radicales excluant les personnes trans, a été inventé ou popularisé plutôt en 2008 par la militante féministe Viv Smith pour distinguer les mouvements féministes radicaux qui intègrent les personnes et les luttes trans de ceux qui les en excluent. Mais ce clivage dans les mouvements féministes sur la place des personnes trans remonte aux années 70. Donc là, on est au cœur des mouvements de la libération des femmes aux États-Unis, en plein dans le coup dans les 70s, au sein duquel se développe la notion de genre. Et certaines féministes commencent alors à être préoccupées par les enjeux relatifs aux personnes trans. Avec l'ouvrage fondateur du courant féministe anti-trans qui s'appelle « The Transsexual Empire, The Making of the Shemale » de Janice Raymond, qui a été publié du coup en 1979, qui présente les personnes trans comme une menace pour les femmes, sous-entendu cisgenre, car les femmes trans seraient des violeurs et des agresseurs, pour reprendre ces termes, qui infiltreraient les espaces réservés aux femmes et les mettraient en danger. Et donc ces arguments, ils ont pu justifier l'exclusion de plusieurs femmes trans de rassemblements politiques réservés aux femmes dans la suite des années 80-90, et notamment d'événements lesbiens, et pour ça je renvoie aux travaux des militantes trans nord-américaines Emi Koyama, Susan Stryker ou encore Julia Serrano. À partir du milieu des années 2010, on voit un backlash qui se développe et qui fait suite justement à la montée en puissance des luttes trans et du transféminisme, où les positions anti-trans sont également défendues de la part de mouvements d'extrême droite, et notamment du côté des catholiques traditionnalistes, mais aussi des partis politiques électoralistes et des médias de droite et d'extrême droite. Aujourd'hui, les TERF, qui se nomment aussi RadFem ou féministe radicale, ou plus récemment gender critical, notamment dans les pays anglophones, parce que le terme TERF commence à leur faire mauvaise réputation, portent bien souvent des idéaux fémonationalistes, c'est-à-dire l'articulation entre nationalisme et féminisme, un peu comme sur le mot nationalisme, mais aussi racistes. Certaines promeuvent aussi une image de la femme parfois conservatrice, voire même masculiniste pour les TERF les plus à droite, voire les plus à l'extrême droite. En plus de leur principal combat, c'est-à-dire lutter contre le transgenrisme et son pendant militant, le transactivisme. Donc, le transgenrisme, dans leur rhétorique, c'est une dangereuse idéologie, en même temps qu'un puissant lobby, si seulement, dissimulé derrière les identités trans et la lutte pour les droits des personnes LGBTI, qui chercherait à faire transitionner un maximum de personnes, dont les enfants, dès le plus jeune âge, pour propager la fameuse théorie du genre, voilà, bataille qui s'est développée grâce à la manif pour tous, et invisibiliser au passage les véritables femelles, comme elles aiment le nommer dans leur manifeste femelliste, puisque le féminisme est déjà corrompu par le transactivisme, puisqu'on parle du terme de genre, et que leur vision du féminisme, elle est essentialiste. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas de notre corps, quoi, et qu'il n'y a pas de construction sociale du genre dans leur idéologie, enfin leur rhétorique. Et du coup, ça peut faire un peu sourire, dit comme ça, on entend parler de femellisme, de « nous on est des femelles, on n'est plus des femmes, on ne sait plus trop ce que c'est ». Mais en fait, elles ont un impact bien réel. Et par exemple, l'actuel ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, a reçu deux principales militantes anti-trans en France, qui sont Dora Mouto et Marguerite Stern, dans ses bureaux parisiens. Et elles ont réussi à faire enlever la notion d'identité de genre de la loi pour l'interdiction des thérapies de conversion. Petit retour rapide sur Dora Mouto et Marguerite Stern. Du coup, c'est quand même deux figures de proue du mouvement anti-trans qui sont très présentes dans les médias et sur les réseaux sociaux. Marguerite Stern, à la base, vient des FEMEN et avait participé au collège féministe. Et aujourd'hui, on les retrouve de plus en plus proches de l'extrême droite, qui sont invités à s'exprimer dans des médias comme Valeurs Actuelles ou Sud Radio, et qui sont publiés par la maison d'édition Magnus, qui avait publié auparavant Laurent Oberton, Marceau ou encore Papacito, qui sont des célèbres figures de la fachosphère française, incitant régulièrement à la violence envers les personnes LGBT les personnes racisées et les militants militantes de gauche, dont les féministes. Concernant les luttes anti-trans, du côté de l'extrême droite plus classique, et notamment l'extrême droite catholique, moi j'ai envie de citer un petit extrait de Virginie Vota, qui est une youtubeuse d'extrême droite catho-intégriste qui du coup est pas mal suivie sur les réseaux et qui fait ce super parallèle où elle, donc je la cite sur une vidéo publiée en 2020, « Le progressisme, c'est la croyance ou l'idéologie qui s'attache à délivrer l'homme de tout ses déterminismes naturels, que ce soit par le transhumanisme pour défier la mort ou par exemple par la transidentité pour en finir avec l'existence de deux sexes et tout ce que cela implique en termes de reproduction. » Et donc voilà cette petite pirouette rhétorique de notre amie Virginie Vota qui met sur le même plan progressiste, transhumanisme et transgenrisme, enfin transidentité, pour dire que tout ça c'est dangereux parce que c'est pas dans le logiciel conservateur. Aussi en août 2022, c'est le planning familial qui a fait les frais justement d'une vaste polémique autour d'affiches visibilisant l'accueil des hommes trans enceintes dans ces structures. D'abord lancée par l'extrême droite proche de Zemmour, puis reprise par les TERF, notamment Marguerite Stern et Dora Mouto à nouveau. Cette polémique a conduit quand même certains parlementaires à demander jusqu'à l'arrêt des subventions du planning familial, en plus d'un torrent de transphobie déversé sur les réseaux sociaux et de nombreuses attaques des locaux du planning familial. Sur le mouvement TERF, là, ce qui nous inquiète aussi aujourd'hui, et comme du coup le camarade avant en parlait, c'est aussi les focus qu'il y a des paniques morales autour des enfants et des jeunes personnes trans, où on a aujourd'hui là encore plus ancré dans la sphère des cathos réactionnaires les figures publiques de Caroline Eliachef et Céline Masson qui sont psychanalystes et qui ont monté l'observatoire de la petite sirène en fédérant justement autour de la panique morale concernant les enfants trans. Donc la petite sirène s'était montée en 2021 en réaction à la circulaire dite Blanquer sur l'accueil des élèves trans et s'est mobilisée pour faire supprimer la mention d'identité de genre des thérapies de conversion. Et du coup, quand on regarde un peu l'origine numérique de l'Observatoire de la Petite Sirène, on peut remonter au site internet qui s'appelle Paternet, qui est un site un peu obscur, mais en tout cas qui est fondé par des militants royalistes et relaie un nombreux articles anti-avortement, anti-féministes, anti-PMA de La Manif pour tous, Juriste pour l'Enfant, Alliance Vita, Association Familiale Catholique, SOS Papa, etc. Et on a vu depuis des années aussi, de plus en plus, un déferlement médiatique de une, ciblant spécifiquement les jeunes trans et plus largement les personnes trans et les personnes LGBTI, de Valeur Actuelle à Marianne, en passant par Le Franc-Tireur, Élément, L'Incorrect, Causeur, etc., etc. Merci, on va écouter un petit morceau de musique, on va écouter Pixa Travesti de Linda Quebrada. Já cansei de falar, já perdi a paciência. Você finge não escutar, abusa da minha inteligência. Mas eu tô ligada, seu processo é muito lento. Vou tentar te explicar mais uma vez o fundamento. E se você não aceitar, pode doer, pode machucar. Eu nem lamento. Vai! Bicha travesti de um peito só, o cabelo arrastando no chão e na mão sangrando um coração. Bicha travesti de um peito só, o cabelo arrastando no chão e na mão sangrando um coração. O lance é muito simples, não tem nenhum mistério. Pode saindo com o pau entre as pernas, acabou com seu império. Tô vendo de camarote o fim do seu reinado. Rindo muito da sua cara de cãozinho abandonado. Na verdade não tem de ideia, te fiz uma bela surpresa. Quando tiver indo embora, não esquece, deixa seu pau em cima da mesa, vai! Bicha travesti de um peito só, o cabelo arrastando no chão e na mão sangrando um coração. Bicha travesti de um peito só, o cabelo arrastando no chão e na mão sangrando um coração. Bicha travesti de um peito só. Bicha travesti de um peito só. Bicha travesti de um peito só. Bicha travesti de um peito só. Bicha só. Trava só. Bicha só. Trava só. Bicha só. Trava só. Bicha só. Trava só. ça. C'est toujours dans Pédale Scandale en direct sur Radio Dio 89.5 à Saint-Etienne et en streaming sur radiodio.org. Du coup, oui, on vient d'écouter le morceau Big Sa Travesti de Linda Del Quebrada. Et bah, on espère qu'on vous a convaincu que c'était important de rejoindre la lutte antifasciste. Et maintenant, un peu la question, enfin, en tout cas, nous on a l'impression qu'il y a deux stratégies qui sont possibles. Pour s'investir dans la lutte antifa, c'est ben soit rejoindre des groupes antifa mixtes, soit monter des groupes antifa PD queer, enfin un peu, en tout cas au, pas forcément, enfin en mixité choisie quoi. Voilà, du coup, on avait envie de causer de ça, de ces deux stratégies-là, et de qu'est-ce que ça nous évoquait. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Bah, ce qu'on s'est dit, c'est que ça dépendait vraiment de la situation locale, parce que autant il y a des villes où c'est archi facile en tant que personne queer de rejoindre un groupe antifa, de rejoindre un groupe organisé et compagnie. Et il y a des groupes en fait quand même beaucoup plus hostiles aux questions transpédéguines, où du coup bah là c'est un autre enjeu et qui veulent tellement pas aborder ces sujets et défendre ça que du coup c'est cool de créer des trucs indépendants. Mais comme comme on le disait tout à l'heure, en fait c'est important de aussi parfois penser en termes de d'objectifs de lutte et pas en termes d'identité, et qu'en fait s'il y a un groupe, enfin en fait aussi prendre le parti de rejoindre un groupe antifa en tant que personne bah, PD ou queer, c'est aussi apporter bah, sa lutte à l'intérieur, et du coup c'est cool de faire des jonctions parfois et d'accepter de faire des compromis et d'éduquer comme on dit, ou de faire de la pédagogie parfois. Mmh. Ouais, en tout cas alors moi je trouve ce qui ressort souvent quand même dans des transpédéguines mais aussi des meufs dans la complexité de rejoindre des groupes antifa, c'est il y a quand même cette question du virilisme qui ressort souvent. Ben, alors on peut pas nier que ça existe. Enfin, ça existe. Il y a des groupes antifa où la question du virilisme elle est hyper présente et hyper chiante. Mais aussi, nous, voilà, on avait envie quand même de faire un peu une nuance là-dessus, c'est que souvent la question du virilisme elle est amenée, enfin elle est fort liée à du mépris de classe, que c'est souvent des gens qu'on considère un peu comme des, je mets des gros guillemets, que des personnes qui viennent de classe moyenne voire classe aisée considèrent un peu comme des beaufs, et ça nous questionne beaucoup sur des questions de classe aussi, voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs là-dessus. Fin... Bah ouais, peut-être. Moi, on peut parler aussi de mon expérience de l'antifascisme dans le cadre d'une lutte syndicale et du syndicalisme, où en effet, bah là, la question de classe, pour le coup, elle est posée de manière centrale, parce qu'on lutte depuis le monde du travail en tant que travailleuse, et que justement, moi, je trouve que c'est intéressant de, pour ma part, de rejoindre un espace antifasciste préexistant et mixte. Déjà parce qu'en contexte de la région parisienne, en fait, il y a déjà des... Enfin, c'est un champ de bataille qui est extrêmement vaste, et du coup, on a besoin quand même de forces assez conséquentes. Et du coup, ce qui fait que dans un espace qui est plus mixte, en fait, on peut s'appuyer sur d'autres camarades. Et moi, je trouve que c'est cool en tant que TPG, en fait, de pouvoir militer avec des camarades straight, par exemple, sur les questions antifa. Parce qu'en fait, aussi, des fois, c'est des camarades qui vont mieux, qui ont des vies qui sont moins laborieuses par endroit. Et du coup, ça fait du bien de se sentir soutenir là-dessus, même si ça implique aussi un taf de formation. Et moi, c'est un truc que j'ai fait en arrivant sur les questions antifa solidaire. C'était assez rapidement de passer pas mal de temps pour faire une grosse formation genre sexualité extrême droite, à la fois pour former les camarades sur c'est quoi l'extrême droite sur ces enjeux-là, dans leur camp antifasciste, mais aussi à l'intérieur du syndicat, comment ça peut se passer. Et en fait, comme on a ces valeurs communes, ces objectifs politiques communs de la lutte contre l'extrême droite et l'émancipation des travailleurs et travailleuses et de la société en général, bah, on arrive à trouver des langages communs où, en fait, si on arrive avec des sabots queer féministes qui vont pas forcément être compris au premier abord, mais qu'ensuite on arrive avec un truc de, en fait, les liens entre les TERF et l'extrême droite, ok, l'extrême droite c'est ça, ça vous connaissez, ça vous parle, et du coup ils font le lien de, ok, en fait, du coup les TERF plutôt pas nos amis, et donc en fait il n'y a pas de débat sur les conclusions des personnes trans dans le féminisme, ça s'inscrit dans un combat antifasciste. Et moi là je trouve que c'est intéressant qu'il y a une vraie veine aussi à avoir de, à la fois je trouve que c'est cool que les camarades d'autres sphères militantes et sociales puissent se former sur nos enjeux en tant que pédales, mais aussi qu'en fait nous on puisse utiliser des codes en fait et des langages et des façons de et des modes d'analyse qui parlent aussi à d'autres endroits. Et je trouve que du coup la grille de lecture antifasciste en fait elle peut permettre de parler à des camarades straight qui vont hyper rapidement capter les enjeux transféministes et queer parce qu'on va leur parler dans leur dans une analyse antifasciste quoi. Oui, et puis pour moi aussi, c'est plus on sera de personnes queer et ou féministes à rejoindre ou en tout cas à s'allier à ces groupes antifa et à lutter avec LE, plus en fait les choses elles changent aussi, on change les choses de l'intérieur en fait. Et que moi, comme tu dis, en fait, moi je trouve ça trop bien de faire, d'aller faire de la pédagogie dans un syndicat antifasciste et ou dans des groupes antifascistes, parce qu'en fait c'est aussi comme ça que les choses elles évoluent et que les groupes antifa, moi je trouve quand même qu'aujourd'hui ils sont quand même moins blancs 6-7 que c'était il y a 15-20 ans quoi, et c'est aussi parce que bah, des personnes les ont rejoints et ont fait du boulot assez fou là-dedans, voilà. Ouais, peut-être un autre enjeu aussi, je trouve que c'est que la lutte antifasciste, enfin en tout cas dans ma perspective, c'est une lutte qui doit être autonome. Et sauf que cette autonomie-là, souvent, nous, elle nous fait défaut dans les espaces queer. On est souvent à dire, ah, mais il y a les queers, on est victime de l'extrême droite, mais on va compter sur les antifas pour, je sais pas, sur la sécurité d'une pride, ou si on se fait attaquer sur un local, on espère que les antifas seront là. Et du coup, même nous, des fois, on vient rejouer ce truc-là de, ah, mais on va quand même demander aux antifas qui, par défaut, ne seraient pas aussi les queers, à devenir nous protéger, ce qui, moi je trouve un truc qui est dommage, autant du point de vue des collectifs antifa qui en fait ne sont pas une prestation de service d'ordre ou de sécurité associative ou militante quoi, et du point de vue des queers, donc en fait on doit être capable aussi d'assurer notre propre autodéfense face à l'extrême droite, et je trouve que c'est pour ça que c'est important de faire des liens ensemble et de dire en fait c'est une attaque contre une pride dans une ville, mais en fait c'est les antifas straight et les antifas queer qui peuvent s'organiser ensemble pour protéger la manif, et on n'a pas à dépendre non plus d'un collectif extérieur pour faire ça, mais plutôt on travaille ensemble, et du coup on a aussi un des enjeux à se former à l'autodéfense, à assurer la sécurité de nos espaces par nous-mêmes, et en fait il y a des savoirs qui existent et autant ne pas les réinventer à chaque fois, on peut bien sûr faire des liens et aller puiser avec gens qui le font déjà ce travail-là pour qu'on se forme et qu'on comprenne si on n'a pas déjà ces clés-là. Et en fait, il y a plein d'endroits où on a déjà ces clés d'autodéfense dans nos espaces directement qu'on peut appliquer à la lutte contre l'extrême droite. Mmh. Oui, on en parlait. J'ai l'impression que le milieu queer, il est très fort pour s'organiser autour du care. Enfin, très fort. En tout cas, plus que dans d'autres milieux. Et du coup, il a clairement ça à apporter à la lutte antifasciste en partie. Mais en fait aussi, on en a marre de gérer le post-trauma une fois que le trauma il est arrivé. Et comment on fait pour s'organiser en amont? Et bah ouais, là du coup je te rejoins de ouf, en fait les queers peuvent aussi faire de l'offensif et du défensif et pas du post une fois que c'est trop tard, enfin pas que c'est trop tard, mais pas que réparer les pots cassés quoi. Ça redonne un peu aussi du pouvoir d'agir, de se dire qu'en fait on n'est pas forcément obligé d'arriver une fois que tout le monde est en PLS. Et du coup aussi, moi j'avais envie de rappeler qu'en fait la lutte antifasciste c'est pas que la lutte dans la rue, enfin on va y revenir après, mais que c'est aussi plein d'autres choses quoi, et notamment moi je trouve que c'est aussi beaucoup de veille, de pédagogie, d'aller se renseigner sur les groupes fascistes et tout ça. Et du coup, on avait envie de vous passer un petit audio d'un camarade du comité Antifa de Saint-Étienne. Voilà, parce que nous, à Saint-Étienne, on a beaucoup de liens avec le comité Antifa et plutôt dans une ville où ils font vraiment un chouette boulot. Voilà. Antifa existe depuis depuis 10 ans. On a toujours articulé nos discours contre les différentes formes du fascisme, le racisme, le sexisme, l'homophobie, en rappelant en permanence les liens avec le capitalisme. On est un groupe de personnes qui ont plusieurs horizons politiques. Il y a des influences coco, des influences anar. Il y a des personnes racisées, des personnes du milieu queer, du milieu autonome. Et puis il y a d'autres personnes qui viennent aussi d'horizons qui sont beaucoup moins militants. Comme tout groupe antifa, on s'est réunis avec l'objectif de lutter contre les groupes fascismes qui sont implantés ou qui essaieraient de s'implanter dans la région. En vrai, on est quand même majoritairement des mecs cis et blancs, et du coup, c'est pas forcément facile de sortir de la représentation de Antifa égale truc de mascu et confrontation de rue. En interne, en vrai, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se jouent, et notamment la discussion entre nous et le discours qu'on porte à l'extérieur. Par exemple, on a quand même toujours été attaché au fait de dire que notre antifascisme, il est autant culturel que de confrontation directe. Par culturel, j'entends le fait d'organiser des événements, des rencontres, des concerts, et puis de construire des liens et de soutien avec différentes associations, que ce soit sociales, politiques ou culturelles. Je pense, pour essayer de péter ce truc-là aussi, un truc qu'on a essayé de construire et qui a beaucoup compté pour moi, c'est les fois où on a mis en œuvre le fait des réunions, de pouvoir discuter et s'exprimer sur nos peurs. Sur nos visions individuelles de ce qu'on était prêt à faire ou pas, de jusqu'où on se sentait d'aller dans les moyens d'action, sans jamais se sentir jugé ou sans jamais mettre de côté parce qu'on n'avait pas les couilles entre guillemets de faire ci ou cela. Et voilà, et qu'on se rappelant tout le temps qu'il y a 1000 moyens de lutter contre le fascisme et que tout se complète et que tout a une place tout autant importante. Après, évidemment, pour ça, il a fallu qu'on se demande une vraie implication. On a organisé des sessions de sport pour apprendre à se connaître, et puis des moments de discussion de fond politique, de discussion de fond d'organisation, puis après des moments de détente et tout ça. En vrai, ça donne aussi confiance en soi et confiance au groupe, et c'est ce qui permet d'arriver à aller plus loin dans les objectifs. Et en vrai, si je parle de tout ça, c'est que c'est pas arrivé de nulle part non plus. Le fait qu'on vienne tous et toutes de milieux et d'orgas différentes, on a appris énormément des personnes qui venaient avec d'autres réalités et d'autres oppressions, que ce soit des personnes queer, trans, putes notamment, mais ces personnes-là, qu'elles soient dans ou proches du comité, ça nous a toujours perfectionné dans notre discours, ça nous a radicalisé et ça nous a remis en question la manière d'aborder certaines de nos pratiques. Puis en vrai, je pense aussi on a de la chance de vivre à Saint-Thé. L'histoire de la ville, mais aussi sa taille et surtout sa taille, font qu'on se côtoie et qu'on se croise autant en tant qu'individu qu'en tant que militant, soit dans les bringues, les manifs, les concerts, les lieux de travail. Et ces rencontres interpersonnelles, elles permettent de créer des liens amicaux, et même si on appartient à des groupes politiques différents, et tous ces liens-là, ils font qu'on arrive à se comprendre et puis à investir le combat de nouvelles personnes qu'on rencontre. Après les liens entre la lutte Antifa et la lutte TPG, sont complètement politiquement liés du fait qu'on vit dans cette société capitaliste, raciste et patriarcale, et avec tout ce qui va avec, quoi. Maintenant, comment s'organiser ensemble, ça c'est une vraie question. Et à titre perso, je pense que si différents groupes antifa sont présents en synthé, le but ce sera de bosser ensemble, malgré nos représentations différentes. Mais dans le comité, comme on a toujours bossé à unifier les horizons politiques, et il n'y a pas de raison qu'on continue pas de le faire avec d'autres groupes, les relations interpersonnelles, elles existeront toujours. Et après, de manière officielle, ça on peut que le construire et le souhaiter, quoi. Est-ce qu'après ça reste sous forme de coordination entre des groupes, sous forme d'assemblées régulières, uniquement sur du partage d'informations, tout ça c'est un peu à voir en direct avec les gens, mais en vrai, moi je dirais tant qu'il y a du respect dans les différentes méthodes d'orga et d'action, il y a tout qui a à inventer. Parce que plus on sera d'antifa et moins les fachos ils auront de la place, quoi. Merci de nous avoir envoyé ça, et c'est très intéressant, et je crois que t'avais envie de réagir. Ouais, moi, il y a un truc qui m'a pas mal parlé, c'est justement pour reprendre la fin de ce que dit le camarade sur plus on sera d'antifascistes, plus l'extrême droite pourra reculer. Mais en fait, c'est ça, c'est que l'extrême droite concerne plein de groupes sociaux différents. Et en fait, on ne peut pas comprendre dans la finesse la réalité de tous ces groupes sociaux différents. Et c'est là, moi, je trouve que c'est intéressant de mener la lutte antifasciste dans des cadres larges et unitaires. Et c'est aussi voilà, ma vision quoi, de l'antifasciste, de faire de l'unitaire le plus possible. Et en fait, ça permet d'apprendre justement des autres réalités où moi, quand je me retrouve avec des camarades dans mon syndicat qui sont profs dans un lycée agricole, qui sont journalistes, qui sont travaillent aux entreprises de nettoyage ou encore qui sont, je ne sais pas... qui travaillent dans le fret SNCF, quoi. Ben, en fait, c'est plein de remontées qu'on a différentes de réalités liées à l'extrême droite. Et en fait, on apprend tous des unes des autres de « Ah, mais en fait, par exemple, moi, quand je vais parler dans Solidaire des enjeux de, je sais pas, des parents vigilants et de tout ce qui peut se passer autour de la lutte contre l'éducation, la vie affective et sexuelle à l'école, ben, en fait, là, il y a plusieurs camarades, bien que straight, mais de l'éducation nationale, qui nous font des retours hyper intéressants sur comment ça se passe concrètement, ou encore des camarades qui sont dans les collectivités territoriales et qui nous disent, ben voilà, typiquement, il y a eu une lecture de drague dans une salle polyvalente de la mairie, et en fait, l'extrême droite s'organiser, et comment on fait, nous, en tant que syndicat de collectivité territoriale, pour répondre à ça. Et en fait, moi, c'est des enjeux que j'avais pas forcément au premier abord, et du coup, c'est là où je trouve ça hyper intéressant de toujours ces allers-retours, d'apprendre de ce que vit l'autre, et que l'autre puisse apprendre de ce qu'on vit nous, et qu'on n'est pas, nous, la particule à l'extérieur des queers, et que c'est eux qui doivent apprendre tout sur nous. En fait, non, c'est un vrai aller-retour qui doit se faire. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, et que ça renforce davantage quoi, les luttes antifascistes. Et moi, il y a un autre truc que je trouve hyper intéressant dans ce qu'il dit, et je trouve ça vraiment très intéressant que le comité Antifa a senti ces discussions-là, c'est toute la question sur la peur, parce que moi, je pense que c'est un truc qui m'a vraiment bloqué et posé des problèmes dans les endroits où j'étais avant, qu'à plein de moments, en fait, c'était pas du tout possible de dire qu'on avait peur ou qu'on avait eu peur, qu'on avait peur de se battre dans la rue avec les fascistes, qu'on a à plein de moments on avait peur de la police, que on avait vécu des situations qu'on considérait comme traumatisantes, et ça en fait il y avait aucun espace pour en parler parce que en fait c'était être faible que d'avoir peur. Et je pense que vraiment c'était un des endroits moi où ça me faisait des bugs, où j'étais là, je peux pas m'organiser avec des personnes avec qui c'est pas possible en fait de dire qu'on a peur. Et du coup, ça m'a hyper rassuré d'entendre ça, que la santé en fait ça a causé de la peur quoi, parce que oui en fait on a tous et toutes peur à des moments, on vit des situations traumatisantes avec les fascistes et la police, et en fait c'est aussi en causer, c'est aussi être plus fort ensemble pour en vivre, enfin pour être capable d'en vivre d'autres quoi. Voilà, on écoute un petit morceau de musique. On va écouter un morceau plutôt approprié qui vient de sortir. C'est un morceau de l'album de Portrait Détaillé. Et du coup, c'est le morceau Viril. Tout a commencé il y a 6 mois quand maman posait ses brise-bises, ses anneaux de rideau devant moi. Ça m'a fait faire bien des bêtises. J'avais Lucas San Francisco, les gros durs se le mettaient au sexe. Et quand se déhanche en disco, leur jean en était tout convexe. Le mien, il vient de bricomarché, il n'est pas en or mais en cuivre. Et si je suis tout rouillé, je connais enfin la joie de vivre. Moi je suis viril, je ne m'as pas des cils. Mon profil est des plus érectiles. Mon côté fragile, mon air malhabile. Sur le fil, m'empêche pas d'être viril. L'anneau ce n'est pas tout encore, et bientôt ce fut presque un vice. Toutes les parties de mon corps durent accepter un vrai supplice. À mon oreille j'ai fait river une jolie perle de pacotille. En haut de mes reins ils ont tatoué, occasion à saisir de suite. La l'un de mes deux seins est percé. Et pour seul slip, je porte une chaîne. Ce n'est peut-être pas distingué, mais j'aime tant sentir votre haine. Car être viril, c'est plein de périls. La grande ville, souvent nous est hostile. Y'en a que j'aurais pile, d'autres qui jubilent. Imbécile, parce que je suis viril. Quand on est viril, on panique facile. Très fébrile, dans nos tenues qui brillent. Qu'on soit scatophile, ou faiseur d'idylle. Pas facile, d'être vraiment viril. Radio Duo 895 à Saint-Étienne, du coup c'est l'émission Pédale Scandale. Et on vient d'écouter le morceau Viril de Portrait Détaillé. Et maintenant on avait envie un peu de parler de concrètement qu'est-ce qu'on fait. Et du coup on avait un peu envie de démystifier la lutte antifasciste. Ou le militantisme, parce qu'on a eu une discussion dessus où a été amené l'argument de « oui, mais en fait, la lutte est validiste à plein d'endroits, et on ne remet pas ça totalement en cause, mais qu'en tout cas, on trouve qu'il y a plein d'endroits pour s'organiser. Enfin, il y a plein d'endroits et plein de manières de s'organiser qui ne sont pas l'image qu'on a de la lutte antifasciste, de faire bloc et se battre contre les fachos. » Et du coup, on avait envie de faire un peu... de faire un peu une liste de choses possibles à faire et du coup des choses qui impliquent une capacité physique ou pas forcément. Et du coup dedans il y a de l'autodéfense, de la veille antifa, mais aussi de l'aide administrative, par exemple pour des personnes sans PAP, ou les luttes d'antirépression. Il y a dans plein de villes des collectifs d'antirep trop chouettes à rejoindre, et du coup là-dedans il y a plein de choses à faire, des formations d'antirépression, un numéro à appeler pour les gens qui se font embarquer ou ce genre de choses, de l'aide pour le droit au logement, des brigades de solidarité, tout le taf en fait de pédagogie, genre aller parler aux gens, les former sur les enjeux de certaines luttes, de la lutte queer, TPG. Bosser sur l'annulation d'événements fachos, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres idées de... Peut-être, ouais, pour compléter un peu, je trouve que ce qui est important dans la lutte antifasciste et plus largement dans les luttes révolutionnaires et anticapitalistes, c'est le renforcement des contre-pouvoirs, c'est-à-dire les syndicats, les associations, les collectifs qui s'auto-organisent. Et dans la lutte antifasciste, en effet, le gros, moi, je trouve, de la lutte antifasciste, c'est la veille, s'informer et la formation pour former des personnes. Parce qu'en fait, le gros des soutiens de l'extrême droite, c'est aussi en fait, des gens qui vont en fait, adhérer à du contenu qui va être diffusé par l'extrême droite, qui a des moyens financiers, des moyens médiatiques et de plus en plus politiques, institutionnels. Et du coup, ce travail de veille, nous, à Solidaire, on a un peu ce slogan de mieux la connaître, mieux la combattre, en parlant de l'extrême droite. Tu peux expliquer un peu le travail de veille, justement. Et ouais, justement, j'allais y venir, quoi. Et le travail de veille, en fait, ça va être, par exemple, de se répartir dans un collectif, des familles d'extrême droite, il y en a plein. On a les cathos traditionnalistes, on a je sais pas, il y a les groupes activistes, on a les électoralistes, on a plein de groupes de familles d'extrême droite différentes, et on peut dans notre collectif se répartir de ok, ben moi je vais plutôt suivre, moi je fais tout l'extrême droite qui va se concentrer sur les questions de genre, de sexualité, les masculinistes, et donc je vais regarder ce qui va être produit sur leurs réseaux sociaux, avec des outils aussi, des réflexes de protection numérique, mais c'est suivre ce qui se fait sur leurs réseaux sociaux, ça va être lire la presse aussi. pas forcément se lire Valeurs Actuelles dans l'intégralité toutes les semaines, mais en fait c'est survoler les titres par exemple, et on va trouver un titre, ah là ça parle du sujet moi qui me parle le plus, et après quand on fait des réunions on peut se faire des retours, et à force en fait sans même prendre de notes pendant qu'on lit, on va finir par avoir des mécanismes qui reviennent, on va beaucoup plus facilement identifier les rhétoriques d'extrême droite. Par exemple en ce moment l'extrême droite est beaucoup sur le développement du terme de néo-féminisme pour dire que les féministes progressistes en fait ce seraient des néo-féministes. Mais parce que le féminisme originel, en fait, il est d'extrême droite, il a toujours été d'extrême droite, et qu'en fait, si on est féministe, en fait, on est d'extrême droite. Ça, c'est un peu la rhétorique qui se développe aujourd'hui. Et en fait, quand on lit plusieurs sources d'extrême droite sur les questions féministes, bah, ce terme-là, néo-féministe, il revient dans chez Eric Zemmour, il revient dans Causeur, il revient dans Valeurs Actuelles. Donc ça, c'est le travail de veille. Et si jamais c'est trop lourd de faire de la veille, en fait, il y a des médias qui sont vraiment bien, qui font ce taf-là. Et du coup, je renvoie des médias ou des collectifs. Et donc là, je vais renvoyer notamment au travail que fait la Horde, mais aussi à Visa, Vigilance, Initiative Syndicale Antifasciste sur les questions d'extrême droite dans le lieu de travail, à Street Press, qui est un média indépendant qui, là, a monté le premier en gros observatoire de l'extrême droite et qui fait des contenus vidéo et écrits. Qui est très chouette. Il y a aussi le site des Bunkers ou encore Blast qui ont fait un certain nombre de vidéos assez chouettes sur l'extrême droite. Et donc là, c'est des bons moyens aussi pour se renseigner, où des camarades en fait, journalistes font des synthèses de ce qui se fait quand on n'a pas le temps de faire de la veille un peu plus lourde. Voilà, concrètement, le travail de veille, comment ça marche. Ça peut aussi être là, des procès d'extrême droite. C'est extrêmement formateur de voir quel... dispositifs juridiques ont été mis en place, quels sont les avocats, quels sont les arguments, aussi montrer qu'il y a une présence antifasciste dans la justice, en fait, parce que c'est aussi un espace de bataille. Donc voilà, il y a plein de choses à faire dans l'antifascisme, et toutes ces tâches-là sont nécessaires et très importantes. Je pense qu'on va exploser le temps de l'émission. Du coup, je vais faire très vite, mais moi, j'avais juste envie de rajouter aussi que pour moi, un des trucs qui est très en lien avec la lutte antifasciste, c'est tout ce qui concerne la solidarité internationale, la lutte contre les frontières, la lutte pour que les personnes aient des papiers. Et je pense qu'on retrouve, par exemple, la santé. Je pense que le collectif Antifa, il est proche aussi des collectifs qui luttent contre les frontières. Par exemple, les 10 ans du collectif Antifa, c'était en soutien à l'Armphone. C'est un week-end qui a fait que ça a rapporté plein d'argent pour l'Armphone. Et du coup, en fait, aussi, c'est assez pour eux des fois entre les collectifs. Et c'est important, en fait, de pouvoir bosser ensemble sur des trucs comme ça, quoi. Il y a aussi de la lutte antifasciste qui passe par la littérature. Il y a des gens qui écrivent des livres et qui parlent, ou des livres qui parlent du fascisme. Et du coup, il y a un camarade de Pédale Scandale qui n'est pas là ce soir, qui nous a envoyé deux chroniques de livres qu'on va écouter tout de suite. En cherchant ce que je pouvais préparer pour cette émission, il m'a fallu un petit peu de temps pour avoir l'illumination que je cherchais, à savoir le roman, le seul roman PD incroyablement antifasciste et incroyablement fantastique, hein, dont je vais vous parler. Le seul roman en fait de Pedro Lemebel, qui était un militant homosexuel, travesti et drag, un grand artiste queer chilien. C'est son seul roman. Pedro Lemebel est mort en 2015. C'est un roman qui est sorti en 2001 au Chili et en 2004 traduit en France. Ça s'appelle « Je tremble au matador », donc de Pedro Lemebel. Le titre vient en fait « Tengo miedo torero ». C'est une chanson de Sarita Montiel qui a été reprise par Lola Flores, et je vais vous raconter pourquoi. En fait, c'est l'histoire d'une vieille et pauvre travestie, du moins elle est présentée comme ça. Elle n'a d'autre nom que la folle d'en face, et elle habite un quartier populaire de Santiago du Chili. Elle adore les vieux airs de chansons populaires, et notamment les airs qu'elle entend à la radio, Tengo Miedo Torero, de Sarita Montiel. Et elle est sortie du bordel où elle travaillait, et pour faire de la broderie, elle est excellente dans la broderie et dans la décoration. Et du coup, elle vend ses broderies à des bourgeoises de la dictature de Pinochet. Ça se passe dans les années 80, donc en pleine dictature de Pinochet. Et la folle d'en face, elle tombe amoureuse de Carlos, qui est une espèce de guerriero, un militant contre la dictature, un étudiant en droit qui voit dans la maison de la folle d'en face le lieu idéal des révisions avec ses camarades. La folle d'en face, elle n'est pas du tout dupe, même s'il est fondu amoureuse, elle n'est pas du tout dupe de ce qui se passe et de l'utilisation en fait que Carlos fait d'elle, notamment quand il lui demande de cacher de dangereux secrets de résistance. Et elle les cache dans sa déco parce qu'elle fait de la déco incroyable, kitschissime, et évidemment qui songerait à chercher des indices de la résistance à la dictature dans ce décor kitsch de l'appartement d'une vieille folle qui écoute la radio toute la journée. Donc c'est une histoire complètement improbable entre la folle d'en face et le terroriste Antifa, luttant pour la fin de la dictature. Et c'est un roman vraiment très impressionnant, déjà parce que je n'en connais pas d'autres sur ce genre de thème. Et c'est un mélange de folitude, folissime, de théâtralisation, parce que la folle d'en face, en fait, elle est quand même vieille, pauvre, elle sait bien qu'il n'y aura pas tous les jours de beau Carlos viril et militant pour la faire rêver. Et donc elle théâtralise toute sa vie, et c'est un mélange de ce roman, c'est un mélange de romantisme désespéré. C'est vrai qu'elle a l'idée de tomber amoureuse d'un militant antifasciste, hein, qui fait ça. Et c'est un mélange de courage furieux et de résistance à la dictature, parce que cette folle furieuse, eh ben, à sa mesure, c'est aussi une résistante. Ce roman de Pedro Lemebel, c'est devenu, en fait, donc c'est son seul roman, et c'est visiblement devenu un roman culte dans la littérature hispanique. Très étudié notamment par Judith Butler. Et alors moi, je ne connais pas très bien la littérature latina, mais c'est visiblement dans une tradition un peu baroque, de mélange de réalisme et de fantastique du roman latino-américain. Et ça fait un roman très, très passionnant, que moi j'ai lu très très vite en fait, et c'est une espèce de comédie aigre-douce, parce que c'est quand même un peu désespéré sur la sexualité et le pouvoir. Voilà, c'était Je tremble au matador de Pedro Lemebel. À vous les studios. Traje de luce y negra montera, tarde de toro, la plaza reverbera. Cuando se mezclan sol y mantilla, salen al ruedo las piezas cuadrilla. Ágil y airosa la música suena, cruje transida tardo la rubia arena. De pronto se abre el toril y siento una ansia feliz, y solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, torero, tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. Ay, pero cuando, torero, juguetea con la muerte, yo me olvido de mi miedo. En ti creo, torero, déjale, oh, torero. ¡Olé, torero! Solo en la plaza tu arte campea, nadie en el ruedo te gana la pelea. Porta tu capa de grana y oro, mil maravillas delante del toro. Y en tu muleta de raso florecen rosas de sangre que a cada lance crecen. Y cuando al entra a matar, ay, la gente se pone a gritar. Yo solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, ay, torero, tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. flote. Pero cuánto torero juguetea con la muerte, yo me olvido de mi miedo. En ti creo, torero, te jaleo, torero. Alors j'avais aussi envie de vous parler de la réédition, donc ça c'est l'événement 2024, hein, la réédition du roman d'Hervé Brison, La vie rêvée de Sainte-Tapiole. Alors La vie rêvée de Sainte-Tapiole, c'est un roman qui est sorti en l'an 2000, un roman complètement foutraque, un peu dans le genre, toute proportion gardée, du roman de Pedro Lemebel, dans le sens où ça mélange le réalisme, le fantastique, des gros délires. C'est un mélange de mauvais goût et de stéréotypes, parfois un peu crasseux, hein, notamment les travestis brésiliens en prennent pour leur grade. C'est à la fois complètement daté et en même temps, si c'est réédité 24 ans après sa publication, c'est bien que ce roman a encore des trucs à nous dire parce que c'est un roman de pédale militante, puisque le personnage principal, qui est une tante, qui n'a pas de prénom, alors dont le début de vie est déjà complètement incroyable, hein, puisque sa mère, sa génitrice française, se fait écrabouiller par un éléphant en jouant au golf en Afrique du Sud. Du coup, le bébé est récupéré par un médecin américain qui habite je ne sais plus trop où et qui se rend compte que un bébé, c'est pas très pratique et pas très compatible avec la vie d'un gay sexuellement très actif. Donc du coup, il le refourgue à un couple de lesbiennes, Ruth et Berna, qui élèvent l'enfant à San Francisco. Et puis à un moment, avec ses deux mères, il fait un voyage en France. Et là, c'est le début de toute une aventure, puisqu'il rencontre des personnages complètement loufoques, voire dangereux. Il drague à plein tube, à la manière du XXe siècle, c'est-à-dire dans les pissotières, dans les hangars, et dans les parcs, et il finit par rencontrer des militants et militantes du TGP, le terrorisme Gwyn et PD, et je vous en raconte pas tellement plus parce qu'il faut absolument le lire. Et donc c'est Terrasse Édition qui fait la réédition de La vie rêvée de Sainte-Tapiole, avec une très intéressante introduction et voilà, une édition comme augmentée, puisqu'il y a aussi des annexes et des documents à la fin. En l'an 2000, quand c'est sorti, c'était une espèce d'ovni. Ça a été assez vite épuisé, et puis certainement que ça ne s'est pas super bien vendu, et que les éditions à l'époque n'ont pas voulu le rééditer. Mais on se l'est passé, ça fait un peu presque 25 ans qu'on se le passe en photocopie, en fichier PDF, parce que c'est un livre incroyable, et qu'il n'en existe pas d'autres dans le genre, parce que c'est vraiment très roman populaire, c'est bric-broc, on dirait que c'est écrit avec les pieds, en même temps c'est complètement fantastique, et très inventif, et voilà, je pense que ça a été une inspiration pour toute une génération de pédales, dont je suis, et Hervé Brison sera à Saint-Étienne le 5 avril pour présenter cette réédition, on vous en dira bientôt plus. Merci pour ces deux chroniques. On arrive à la fin de cette émission. On avait envie de vous faire un petit agenda avant de se quitter pour vous dire du coup que effectivement, comme notre camarade vient de le dire, le 5 avril, Hervé Brison, du coup, l'auteur de La vie rêvée de Sainte-Tapiole, sort à Saint-Étienne. Je ne sais pas encore où, mais aussi, et sûrement aussi, du coup, avec des personnes de la maison d'édition, de Terrasse Édition. Du coup, vous aurez toutes les infos sur le numéro 0 ou dans la prochaine émission de Pédale Scandale. On voulait aussi vous dire que le 6 mars, on organise notre première soirée avec Pédale Scandale. On va organiser une soirée à la Gueule Noire qui commencera de 18h à 20h. Ce sera un moment en non-mixité PD, d'une dînette détente. du coup un moment convivial entre PD. Puis à partir de 20h, la soirée sera en mixité et il y aura d'abord des lectures et le spectacle Portrait détaillé, du coup, de la compagnie La Ponctuelle qui parle de du vécu de PD, on va dire. Un très joli spectacle qui mêle théâtre, musique, vidéo et qui est quand même assez émouvant. Voilà. Et on voulait aussi vous dire qu'il y a un appel à contribution pour le prochain numéro de PD La Revue qui va parler de, devinez de quoi, d'antifascisme. Et du coup, voilà, y a, vous pouvez retrouver l'appel à contribution sur les réseaux sociaux de PD La Revue. Et on en profite aussi pour vous dire que ben, le dernier numéro sur le travail va sortir d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours. Et que ben, sûrement qu'on en distribuera avec Pédale Scandale. Voilà. Et ce dimanche à Saint-Étienne, à la Tablée, il y a une cantine pour cantiner. Complètement, ouais. En soutien à quelqu'un en prison. Voilà, et en plus, il y aura des arancini. Ouais, arancini, ça va être super comme menu. Italien. Ouais, vraiment, menu italien. Et du coup, venez tôt, venez à midi, parce que souvent, les gens qui arrivent tard, il n'y a plus à manger. Voilà, et vous repartez déçus. Voilà, et on vous a préparé une petite surprise pour vous. On va vous laisser avec une surprise. Alors, comment... Ben, on a un peu démystifié l'antifascisme, mais quand même, on reste des grosses pédales et on a des gros kinks sur les antifas. Alors du coup, voici un audioporn antifasciste. Voilà, suivi d'un petit morceau de chapeau. On se dit au revoir, on vous quitte. Du coup, on vous laisse avec cet audioporn et ce morceau de musique. Et on se dit au mois prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, luttons contre le fascisme. On courait, je le tenais par la main pour le guider. Il avait de la lacrymo plein les yeux et ne pouvait que me faire confiance pour échapper au keuf qui nous poursuivait. Je savais qu'en tournant à l'angle de la rue, il y aurait un immeuble dont la porte s'ouvrait avec ma clé. Je la cherchais dans ma poche d'une main, en continuant de tenir la sienne de l'autre tout en accélérant encore notre course. Arrivé à l'intérieur, on est descendu vers les garages pour que les flics ne puissent pas nous voir de la porte vitrée et en espérant ne pas déranger les voisins. À bout de souffle, il s'est appuyé contre le mur dans des garages ouverts pendant que je fouillais dans mon sac pour trouver le sérum Phi et le Malox pour l'aider à se rincer les yeux. Il m'attrapa la main doucement et me lâcha un « merci » en me fixant de son regard perçant, sa bouche charnue au contour net s'ouvrant dans un sourire que j'eus du mal à interpréter dans la confusion du moment. Il m'avait tapé dans l'œil dès que je l'ai vu arriver, l'air de rien, au rassemblement avant que la manif ne commence. Avec son air faussement nonchalant, de celui qui a l'habitude de la foule, de l'agitation et des keufs partout autour. Je ne sais pas pourquoi lui, particulièrement plus qu'un autre, il aurait pu être confondable avec n'importe quel antifa, si ce n'est la manière qu'ont eu nos regards de se croiser, ou peut-être de ce que j'ai eu envie de lire dans son regard. La manif est partie. Passé le premier tunnel, un black bloc est apparu, tout le monde profitant de l'absence de caméra pour se changer et se masquer. Au détour d'un slogan que j'essaye tant bien que mal de faire modifier en criant plus fort que les autres pour passer de « synthé, debout, soulève-toi » à « synthé, debout, soulève-moi », son regard m'a attrapé, les petites rides au coin de ses yeux montrant son sourire masqué. J'ai essayé de le soutenir, voulant attraper ses yeux avec les miens, mais rapidement, tous deux les avons détournés, prétextant regarder ce qui se passait dans la manif, mais surtout pour cacher notre gêne. Et là, je me retrouve seul avec lui, ma main dans la sienne, dans le sous-sol d'un immeuble, tous les deux en pleine montée d'adrénaline. « C'est normal », je lui réponds dans un sourire doux, me demandant à quel point l'envie peut se lire au travers. Il garde un peu sa main dans la mienne que je sens commencer à devenir un peu moite. De mon autre, je lui essuie une goutte de sérum fille qui coule sur sa joue pour aller se perdre dans sa barbe de 3 jours. « Ça ne te brûle pas trop ?» je lui demande alors que son visage est rougi par les lacrymos. « Ça va mieux ?» il me répond en rougissant encore plus depuis que mon doigt est passé sur sa joue. Je sens sa main se réchauffer encore. Prise par l'adrénaline et mon envie grandissante, je me rapproche de lui. Il ne recule pas et je me demande à quel point lui non plus ne sait pas rapprocher aussi. J'approche ma main de son cou, je sens le stress et son désir qui montent. Il me dit « Tu sais, je n'ai jamais embrassé une pédale ?» Je le coupe avant de poser mes lèvres sur les siennes. Je ne voulais pas lui laisser le temps de sortir un jargon militant pour me dire que j'étais une femme comme les autres, mais quand même ça n'était jamais arrivé avec une femme comme moi. Je suis une pédale et je veux qu'il me prenne comme telle. Il m'a rendu le baiser avec une timide intensité que je n'imaginais pas. Nos lèvres se sont entrouvertes et nos langues se sont rencontrées. D'abord du bout, puis avec un subtil jeu d'attraction, j'ai attiré la sienne dans ma bouche pour commencer à lui sucer délicatement. Sa barbe naissante me gratouillait les lèvres, ce qui rajoutait à l'excitation. Je sentais ma bite mouillée essayer de bander, comprimée dans mon tuck. J'ai rapproché mon bassin du sien et j'ai senti que lui aussi bandait dur. « Tu ne devrais pas changer ton haut pour ne pas être reconnaissable en sortant ?» je lui ai demandé, joueuse. Il a ri, enlevé son sweat, relevant au passage son t-shirt, laissant voir son torse légèrement poilu. J'en profite pour glisser mes mains sur son torse et l'embrasser goulûment dès que son sweat a passé sa tête. Il m'attrape par la taille et me colle contre lui énergiquement. Je pose mes pouces sur ses tétons et commence à jouer avec. Je le sens frémir sous mes doigts. J'y vais doucement avec le gras des pouces avant de commencer à le titiller avec les ongles. Dès que je lui accroche un téton, je le sens réagir de plaisir. Ses mains sont descendues sur mes fesses pendant ce temps. Je commence alors à le pincer et je sens ses mains se contracter sur mon cul, écartant mes fesses et tendant mon anus, ce qui augmente encore mon excitation et mon érection toujours maintenue par le tuck. Il s'approche de mon cou, commence à l'embrasser avant de me mordiller le haut de l'épaule. Je gémis de plaisir et me laisse aller contre lui. Il mord un peu plus fort, je gémis un peu plus fort. Mes mains descendent les longs de ses côtes, puis sur son ventre, laissant mes ongles traîner délicatement avant d'arriver à son pantalon où je sens sa bite tendue. « Tu ne devrais pas aussi changer de pantalon ?» je lui dis dans un sourire espiègle plein de sous-entendus. « Si, t'as raison, » il me répond avec le même sourire. Je défais le nœud de son jogging qui tombe à ses pieds. Je laisse ma main glisser fermement sur son périnée avant de remonter sur ses couilles et sa bite. Il écarte un peu les jambes. Alors, je me laisse glisser pour finir à genoux devant lui, lui léchant l'aine à travers son caleçon. Il le fait tomber à ses chevilles et je me retrouve en face de sa longue bite fine, le gland luisant d'excitation. J'essaye de continuer à faire monter l'excitation en n'allant pas tout de suite dessus, mais n'y tenant plus, je viens lui lécher le bout du gland. Je le sens frémir alors que je plonge sur sa bite, l'enfournant délicatement jusqu'au fond de ma bouche, ma langue jouant avec son frein pendant que je fais de délicats allers-retours, allant de plus en plus profond, dépassant ma glotte. Il ne fait pas un bruit, mais je le sens frémir quand j'arrive au fond ou que ma langue fait des tours autour de son regard, autour de son gland, mon piercing glissant sur son frein. Petit à petit, je resserre mes lèvres sur sa bite, augmentant la pression tout en venant appuyer sur son périnée avec mes doigts pour aller lui stimuler la prostate de l'extérieur. Il souffle de plaisir, commence à geindre à son tour. Ses mains ont attrapé mes seins qu'il malaxe, alternant entre la stimulation délicate de mes tétons et l'empoignement de tout mon sein, faisant bouger mes prothèses sans le savoir. Je n'en peux plus, trop excité, je détends mon tuck d'une main pour laisser l'érection libre. Je continue comme ça pendant un moment. Je sens qu'il gigote de plus en plus, que la pression monte pour lui. Alors je redouble d'efforts, serre encore plus mes lèvres sur sa queue, allant de plus en plus vite, ralentissant des fois pour l'emmener au plus profond de ma gorge, lui massant de plus en plus vigoureusement le périnée. « Je vais jouir », il me dit. Alors je continue encore, voulant l'emmener jusqu'au bout. Ses mains se crispent de plus en plus sur mes seins, son souffle devient de plus en plus court, ses jambes tremblent devant moi. Il reste dans cet état pendant quelques instants, puis je sens un liquide chaud et visqueux couler dans ma bouche. un premier jet pour me dire que c'est parti. Alors je ralentis le rythme, mais continue de le sucer pour accueillir chaque jet de sperme dans ma bouche. Quand il a fini, j'avale tout en faisant encore 2-3 allers-retours au ralenti pour le pomper jusqu'à la dernière goutte. Puis je me relève. Il me regarde, m'attrape la tête dans ses mains et m'embrasse avec une douceur infinie. Il me dit à quel point c'était incroyable. Je lui réponds, « Je sais, c'est un métier, bébé, avec un clin d'œil et un regard moqueur. » Il rigole, je l'embrasse de nouveau. Nos lèvres se soudent d'espace en instant. Et puis, il faut bien ça pour accéder à ta B12, je rajoute taquine. Il rit, m'embrasse et se rhabille avec d'autres vêtements. Je me change aussi rapidement. Ça y est, les flics ont dû partir. On peut y aller maintenant, lui dis-je en l'embrassant joueuse et en partant en le tirant par la main pour remonter les escaliers. Come on!